l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Je vous mets aussi le patron. Alors la taille 2. La taille 2, je vous mets la taille 2, puisque la taille 1, vous l'avez pris. Il faut compter à peu près 5000 couches, je crois, de l'âge de la naissance jusqu'à la propreté. Ça fait à peu près une tonne de déchets, environ. C'est vrai que c'est énorme. Alors moi, quand je reçois les parents pour les réunions de sensibilisation, là, sur la couche lavable, c'est vrai qu'ils se disent, nous, depuis qu'on a le bébé, en fait, la poubelle, autant la sortait une fois par semaine, mais là, c'est pratiquement tous les jours. Enfin, c'est énorme, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer à autre chose, quoi, essayer autre chose. Bonjour, bienvenue à la maison du zéro déchet. Alors la fameuse maison du zéro déchet que nous avons ouverte le 1er juillet 2017, voilà, dans le 18e arrondissement de Paris. Juste en dessous de la butte Montmartre. Tout à fait, alors le décor en plus est assez agréable. Nos locaux Zéro Waste France étaient pas très loin, près de Barbès, et donc on a réussi à déménager dans un lieu plus grand, où on pouvait mettre nos bureaux et aussi une boutique, un espace de conférence et tout ça. Donc on va faire le petit tour du propriétaire, du locataire en l'occurrence. Alors du coup ici c'est ouvert toutes les après-midi par des bénévoles pour pouvoir permettre aux gens d'acheter des objets pour aller vers le zéro déchet. Absolument, en fait de midi à 20h ou de 13h à 20h selon les jours, une équipe de bénévoles accueille en fait le grand public pour ses achats. Donc vous pouvez voir en fait tous les objets emblématique, en tout cas plus important du zéro déchet, qui permettent de réduire le jetable, qui permettent de réduire le recours au plastique, etc. Donc on a des gourdes, des sacs à vrac, un certain nombre de produits ménagers, mais on a aussi un espace librairie, voilà, on sélectionne les meilleurs livres sur l'écologie et le zéro déchet pour aussi se cultiver, voilà. Alors, juste quand on rentre, c'est le fameux sac à vrac. C'est fabriqué en France, j'imagine ? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Par contre, je sais que la personne qui gère donc la structure Maison du Zéro Déchet cherche ses approvisionnements le plus près possible. Donc, un maximum français et, quand ça n'existe pas, européen. Et quand ça n'existe pas, un petit peu plus loin. Mais effectivement, c'est un point d'attention très, très important. Donc, je pense que les sacs à vrac, à mon avis, ne sont pas fabriqués très, très loin, effectivement. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des gourdes, évidemment, pour arrêter l'eau en bouteille, ça c'est un des gestes les premiers qui arrivent et les plus emblématiques. Tout ça, c'est l'espace alimentaire, donc on a aussi les petits Tupperware en inox, on a des couverts réutilisables, des boîtes bento pour les gens qui se déplacent souvent, ou pour les enfants aussi, pour qui on fait des goûters et qui produisent pas mal de jetables habituellement. Alors c'est quoi ces sortes de pailles métalliques ? Là, c'est pour manger Alors, ce sont pour les pailles en inox ou en bambou. Il y a aussi un autre matériau qui est peut-être moins impactant, moins polluant. Elles sont pour les accros mojitos, voilà. Pour les enfants, enfin, c'est la paille, la fameuse paille qui est en train de disparaître si j'ai bien compris, des enseignes de fast-food et compagnie, non ? Absolument. Bannissement des pailles en plastique. Alors, malheureusement, demeure en fait souvent celle en papier qui reste autorisée. Donc le jetable reste autorisé. Donc là, on propose deux types de pailles différentes pour les personnes pour qui c'est vraiment important de boire certaines boissons avec une paille. Et effectivement, pour les enfants aussi. Pour que la transition se fasse doucement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, on a un espace plutôt... petit déjeuner et vaisselle, puisqu'on a les fameux bocaux pour stocker les courses qu'on aura faites en vrac au préalable. On a par exemple des boules à thé aussi, tout simplement pour arrêter les sachets de thé jetables, dont certains sont en partie en plastique. Les petits récipients de compote réutilisables qu'on remplit par le bas, donc ça évite, vous savez, tous les trucs de compote jetables. On va pas citer la marque, mais on voit bien. Ouais, des compotes pour les goûter. Donc ça doit être beaucoup plus économique. Ça doit être une sacrée... parce que ça coûte extrêmement cher, ces trucs jetables. En plus. Oui, alors le jetable coûte très cher et en plus... Bah là, vous pouvez le réutiliser plusieurs dizaines de fois avant qu'il soit inutilisable. Ce qui permet aussi de faciliter la transition pour les enfants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de marketing et les enfants parfois ne veulent pas en fait des choses qui sont moins sexy, moins marketées. Donc ça permet, si vous voulez, de garder le format du jetable en étant sur du réutilisable, et donc la transition se fait sans heurts ni cris. Alors c'est assez joli, c'est une petite grenouille, effectivement ça va plaire aux enfants. Et oui, normalement c'est un produit qui a pas mal de succès auprès des parents et des enfants, donc il n'y a pas de souci. On voit aussi l'espace plutôt café, hein, la fameuse cafetière à piston est sans doute la façon la plus écolo de se faire du café, hein, donc excite les capsules, les dosettes ou les filtres jetables. On a aussi des filtres donc réutilisables, hein, ici lavables, des filtres en dur. Après, on peut récupérer facilement le marc de café pour laver ses casseroles grasses et tout ça. Effectivement, et composter le marc de café qui est aussi un ingrédient très recherché par les agronomes, visiblement. On nous en dit beaucoup de bien du marc de café composté. Alors après, il y a un truc vachement à la mode, ça c'est un bon cadeau de Noël, non? C'est pour emballer dans le frigo sans utiliser de cellophane. Comment ça s'appelle ce truc? Ça s'appelle en bon français les bees wrap. Donc en fait, ce sont des tissus enduits de cire d'abeille qui permettent donc de effectivement emballer des aliments, par exemple au frigidaire, sans recourir à du film jetable. Donc ça, c'est quelque chose qui est très recherché, effectivement, qui permet de pousser vraiment la démarche encore plus loin. Parce que alors là, on est vraiment au top, hein, quand on n'utilise même plus de film plastique ou d'aluminium, hein, qui a un impact environnemental et sanitaire assez important. Et alors là, on peut même le fabriquer soi-même, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de récupérer par exemple un vieux drap assez joli, mais qui a plus d'utilité. On achète de la cire d'abeille en vrac et on passe ça au four, c'est d'une simplicité folle. Et oui, alors on apprend en fait à le faire ici, dans ce lieu de la maison du zéro déchet, parce qu'il y a des personnes qui souhaitent le faire en fait elles-mêmes et pas l'acheter, voilà. Donc on a aussi un espace de transmission de savoir et d'atelier plusieurs fois par semaine pour ne pas simplement venir consommer, c'était pas la démarche du lieu, vendre. On veut aussi informer, autonomiser les gens dans ce processus. Ouais. Pour faire des beaux cadeaux de Noël do it yourself à offrir, qui sont utiles, éthiques. Et oui, voilà, y a un gros sujet sur Noël. Donc clairement, la fréquentation augmente à l'approche des fêtes de Noël, parce que les gens commencent à s'inquiéter, évidemment, des cadeaux qu'ils vont recevoir, mais surtout de ceux qu'ils vont faire. Donc on a, bien sûr, toute une programmation axée sur les cadeaux éthiques et moins polluants. Alors là, bah ça paraît d'une simplicité, mais finalement, on l'a un peu oublié, le bon vieux savon. Oui, savon, shampoing solide, dentifrice solide. En réalité, c'est vraiment une question d'éducation et comment on a grandi. Beaucoup de gens, en fait, grandissent en se lavant au gel douche. Et tout simplement, ils ne connaissent pas le savon. Donc là, on vend des savons et des shampoings solides qui permettent de se laver sans produire de déchets. C'est très, très simple, mais évidemment, il y a tout un chantier sur... arrêter le gel douche, hein. Ouais, et puis là, il y a une question de santé aussi. C'est des produits beaucoup plus sains. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de colorants, il n'y a pas. Enfin, c'est pas du tout la même chose qu'on se met sur le corps. Non, effectivement, et la sélection des fabricants, des marques que l'on a sont des gens qui font des produits tout à fait naturels, testés et qui donnent grande satisfaction aux personnes. Donc voilà, le gel douche, c'est beaucoup de déchets, ça coûte cher, on achète en partie de l'eau en réalité et des produits chimiques. Donc il y a beaucoup de sens en fait à se laver au savon, ça fait partie des gestes très simples, très économes qu'on peut faire assez facilement. Alors juste derrière là, il y a de quoi fabriquer ces produits d'entretien zéro déchet au naturel, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est là que moi, je commence à m'y connaître un petit peu moins. Non, en réalité, on retrouve de l'acide citrique, de la soude en cristaux, du percarbonate de potassium. On a du savon noir, bien sûr, du vinaigre blanc. Percarbonate de soude, pardon. Donc, tous ces ingrédients permettent de faire soit des produits d'entretien, soit des produits de lavage. Donc là aussi, on a des ateliers pour transmettre les connaissances et faire en sorte que tout se passe bien, que les recettes soient les bonnes. Mais effectivement, ça contrebalance beaucoup le fait qu'aujourd'hui, il y a des ménages qui ont 10 ou 15 produits différents chez eux, sous leur évier. pour laver tout un tas de choses, alors qu'en fait, voilà, avec quelques produits, dont le vinaigre blanc pour les surfaces, on s'en sort tout de même pas mal. Alors, est-ce qu'on peut offrir à, pour Noël, à la Maison du Zéro Déchet à Paris, un atelier pour Noël à quelqu'un qu'on, de notre famille, quelqu'un qu'on veut essayer de faire évoluer? Est-ce que c'est possible ou est-ce que vos ateliers sont gratuits de toute façon? Alors, certains ateliers sont gratuits et certains ateliers sont payants en fonction des personnes qui les animent, parce qu'en fait, y a aussi des personnes qui travaillent, hein, c'est quand même du travail, faire tous ces ateliers, les concevoir, etc. Donc on peut tout à fait soit venir gratuitement sur certains ateliers, soit s'en faire offrir pour Noël. Et c'est vrai qu'au mois de janvier, on a beaucoup de visiteurs nouveaux, voilà, de nouvelles têtes. Donc c'est une bonne occasion de sensibiliser, c'est sûr, offrir des ateliers. Alors donc là, il y a une énorme bibliothèque qui doit être bien complète si on veut trouver des solutions très pratiques, parce qu'aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, ici, c'est pas... du grand blabla, c'est vraiment des clés d'action concrètes, directes. Par exemple, il y a un petit livre qui s'appelle « Zéro plastique, on s'y met ». Et pour chaque type d'objet du quotidien, c'est comme un petit dictionnaire, on va trouver l'alternative. Tout à fait. Alors, dans cette librairie, vous avez deux types de livres. Vous avez les livres sur les éco-gestes, donc le livre que vous avez cité sur le zéro plastique, comment agir dans son quotidien, donc très important. Hein, l'éco-geste, c'est aussi une dimension éthique. Et puis, une autre partie de livres qui aborde le sujet environnement sous un aspect plus global, technique, politique. On retrouve notre fameux livre Territoire Zéro Waste. Et donc pour nous, c'est important qu'ils figurent côte à côte, hein, tous ces livres, pour en fait que l'action individuelle ne soit jamais désolidarisée de l'action collective et politique et vice-versa. Donc voilà, les personnes peuvent venir faire leur petit marché et s'informer sur qu'est-ce qu'elles peuvent faire, et puis aussi sur le sujet technique, hein, quel environnement est plus vaste, évidemment. Si on finit notre petit tour, donc là on est sur, pareil, les alternatives aux protections hygiéniques, menstruelles et autres choses pour le... Donc là, on a pour se laver le visage, différentes alternatives au jetable. Finalement, c'est tout simplement du lavable. Et oui, c'est du lavable. Donc là, c'est le rayon cosmétique. Il y a aussi des cosmétiques qui sont consignés, c'est-à-dire qu'on va rapporter en fait l'emballage qui sera lavé, etc., et remis sur le marché. On se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses à nouveau sans recourir au jetable. Je pense aux lingettes démaquillantes qui sont quelque chose qui est très économique, efficace et qui est vraiment plébiscité par les personnes qui ont recours. On peut aussi parler des lingettes pour bébé, en fait, hein, lingettes nettoyantes. Un recours massif au jetable à l'heure actuelle sur ces secteurs-là, et malheureusement ça coûte cher, ça pollue. Surtout quand on utilise du coton jetable, hein, vous voyez l'impact environnemental. Donc on a tout intérêt à passer au lavable. Bon, moyennant une phase de transition, évidemment, les protections périodiques, il y a aussi des ateliers pour en parler, pour avoir des témoignages. Hein. Il ne s'agit pas de tout changer peut-être du jour au lendemain. Il faut aussi se renseigner. Donc voilà, on a toujours cet aspect vente de produits et puis atelier organisé en parallèle pour discuter entre personnes concernées. Voilà. Oui, parce que ça va souvent aussi de pair avec la Moon Cup. Et là, c'est vrai qu'on se dit, il peut y avoir des appréhensions. C'est bien d'en discuter, de voir que finalement, ce n'est pas si compliqué, d'apprendre les trucs et astuces peut-être. Absolument. Et ça, effectivement, parfois les gens se sentent un petit peu seuls quand ils veulent tester des choses sur ces sujets qui sont très, très intimes. Il faut pouvoir échanger en fait avec des personnes qui ont déjà essayé, qui ont cette pratique-là. Et donc nous, on est là pour faciliter ce passage à l'action et à l'accès au savoir et puis à l'échange. Hein. Il faut aussi faire ça de façon sympathique et conviviale. C'est dur à l'extérieur, hein ? Oui, tout à fait. Parce que c'est lui qui va... Voilà. On le met le plus près du bord possible ? Oui, pas trop quand même. S'il y a un petit décalage, que vous puissiez quand même prendre... Vous ayez de la... Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il faut savoir quand vous passez en lavable. Alors, si vous achetez des couches lavables, ça va vous revenir, en prenant les plus belles, ça va vous revenir à 900 euros. Mais les couches jetables, il faut compter plutôt 1500, 1600. En plus, si vous voulez des couches jetables biodégradables, entre guillemets, donc celles-ci sont un petit peu plus chères. Donc oui, de toute façon, vous faites des économies en lavable. Alors, ce que les parents ne voient pas forcément de prime abord, parce que c'est vrai que du coup, si vous achetez vos couches lavables, ça fait un gros investissement au début, quoique vous puissiez réduire cet investissement en les achetant d'occasion. parce qu'en général, on trouve de très, très bonnes occasions. Donc, il faut voir sur le long terme, parce que les couches lavables, elles vont être pour un premier bébé. Mais si vous en avez un deuxième, vous n'aurez pas à racheter de couches, puisque vous réutiliserez les mêmes couches. Elles peuvent aller jusqu'à 3 bébés. Ça dépend des tailles. Effectivement, les tailles où vous allez les utiliser les plus, là, il faudra peut-être envisager d'en racheter au fur et à mesure pour le troisième bébé. Mais parce que les couches lavables sont faites pour un certain nombre de lavages. On compte à peu près 300, 350 lavages. Donc effectivement, quand on arrive au-delà de ces lavages-là, elles absorbent moins. Donc vous avez plus de risques d'avoir des fuites. Mais elles font 2 enfants. Des couches neuves, lavables, font 2 enfants sans problème. Il faut éviter les plis, j'imagine. Oui, c'est pas mal. Alors, c'est difficile de faire une couche lavable soi-même ? Non, super simple. Avec toutes les explications, on s'en sort super bien. On est prêt à en faire 20. C'est ça qu'il faut à peu près pour un bébé, 20 couches ? Normalement, oui, parce que si vous comptez au début 7 à 8 changes par jour, il vous en faut le double parce qu'il faut compter le temps de la lessive et le temps de séchage, surtout si c'est des matières naturelles où ça met un petit peu plus de temps à sécher que les matières synthétiques. Donc là, donc si vous comptez 8 et 8, 16, et puis moi je dis 20 parce que vous en avez 4 en plus au cas où pour faire le tampon, quoi. Si jamais il y a un petit souci, je sais pas, voilà. Si jamais vous avez zappé la lessive, il vous en reste 4 au cas où en tampon. C'est pareil pour les couches lavables. Hein. Ça, c'est une source de déchets et puis ça coûte très très cher. La couche lavable pour les enfants, finalement, c'est vraiment une super alternative, mais ça peut paraître quand même un peu compliqué. Et ici, vous avez même le maillot de bain. Alors ça, j'avais jamais vu. Alors moi, je ne suis pas encore spécialiste de... Maillot de bain, couche. Hein. Tout à fait. Bon, moi, je ne maîtrise pas encore le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit de plus en plus de parents autour de nous qui viennent et qui utilisent les couches lavables. Un bébé, c'est à peu près une tonne de déchets. Donc c'est vite vu, ça coûte très cher, ça fait beaucoup de déchets. Peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que les couches lavables modernes ont quand même évolué par rapport hein, à celles du siècle précédent. C'est-à-dire qu'il y a un petit voile en fait, qui reste jetable, qui permet d'éliminer le plus gros... Et en fait, de stocker les couches de façon plus convenable et de les laver plus facilement. Donc, on n'est pas sur des langes, si vous voulez, sur les bandes hein, qu'on mettait autour des. Sur les enfants, sur les bébés il y a quelques décennies. On est sur un produit qui est quand même un petit peu plus technique et qui visiblement fonctionne bien. Hein. Les personnes qui essayent, il y a un petit temps d'adaptation et après, ça marche tout de même pas mal. Et alors, il y a même des ateliers pour les fabriquer soi-même parce que ça coûte un petit peu cher. Vous faites ça aussi ici ? Un si peu long, existe, hein. Ouais, si ça existe, alors on peut. Oui, alors c'est un investissement de départ. Mais c'est vrai que par rapport à l'investissement sur la durée de vie d'un bébé, hein, le temps où il a les couches, ça revient beaucoup moins cher les couches lavables en réalité. Voilà. Qu'aujourd'hui, les collectivités peuvent faciliter l'accès à la logistique. Il y a plein de projets qui se mettent en place pour collecter les couches, les livrer, etc. Sauf que il faut quand même pas mal de gens qui participent et la collectivité elle a un rôle pour parler aux parents, prêter des kits, par exemple d'essai, ou les vendre à moindre coût. Et donc ça, c'est un rôle politique très important. Oui. Et pour vous, la motivation, c'est quoi ? C'est moins de polluants et moins de déchets. Et puis là, c'était l'occasion de tester et de rencontrer des gens qui sont aussi sensibilisés par le zéro déchet. Voilà. Les motivations pour l'atelier. Et il faut être... faut avoir quand même un peu de temps parce que c'est combien d'heures par couche ? Oh, j'imagine qu'il faut une... Une heure et demie, si on fait aussi la partie extérieure. Ouais, donc ça commence par 6 heures et à la fin, c'est une demi-heure. Regardez, vous l'avez fait en 3 heures. Même pas en 3 heures, parce que vous avez pas fait les 3 heures et demie. Oui, mais vous auriez fait la découpe, ça reviendrait au même. En 3 heures de temps, votre couche est faite. Là, il y a juste l'étape découpe qui a été chantée. Donc vous avez gagné une demi-heure. Alors le liniment, pareil, hein, pour mettre sur les fesses du bébé, on peut le fabriquer soi-même avec juste de l'huile d'olive et de l'eau de chaud qu'on achète en pharmacie. Ça coûte 10 fois moins cher et c'est bien mieux pour les fesses que effectivement toutes ces lingettes jetables bourrées de produits chimiques. Oui, tout à fait. Oui, alors le liniment, moi je le conseille pas forcément tout le temps de prime abord parce que c'est quand même quelque chose qui est gras. Et du coup, alors déjà, Edin, si vous utilisez des couches lavables, ça risque de les encrasser. Et de deux, vous posez un film gras systématiquement sur les fesses du bébé. Du coup, quand il a les fesses irritées ou quoi, vous savez plus trop quoi mettre après. Donc moi je dis, vous lavez votre bébé quand vous enlevez la couche, vous lavez avec un gant de toilette et de l'eau tout simplement. Et moi je sais que le liniment, je l'utilisais quand je partais en balade, qu'il fallait changer la couche du bébé comme ça, ou alors quand j'étais pas chez moi, ou quand il avait les fesses rouges. Alors bon, c'est vrai que les parents maintenant essayent de se renseigner un peu en amont, donc sur Internet, ils voient déjà comment est faite une couche lavable. Alors, parce que je dirais que dans l'inconscient collectif, la couche lavable, la majorité des gens s'imaginent que c'est un linge en triangle qu'on plie, comme quand on était dans le temps de nos grands-mères, et qu'on met avec une épingle à nourrice. En fait, ça n'a strictement rien à voir. La couche lavable, maintenant, elle a exactement la même tête qu'une couche jetable. Elle est un tout petit peu plus volumineuse, effectivement. Plus jolie, hein ? Alors, elles sont plus jolies, oui, parce qu'il y en a avec plein d'imprimés, justement, vous pouvez jouer avec les tissus, avec les imprimés. Il y a même des mamans qui brodent leur couche lavable. Donc, oui, c'est sûr que. Il y a plein de marques différentes, donc c'est sûr. Alors il y a leur appréhension, oui, alors déjà il y a ça, le fait qu'en fait ils sont très étonnés de « ah bah oui, mais c'est ça une couche lavable ?» Ben oui, c'est ça une couche lavable. Après, les préjugés, le fait de... Les gens pensent souvent qu'il va falloir, ça va amener une surcharge de travail. Alors moi, je dirais pas ça. C'est une organisation. De toute façon, si vous faites effectivement, si vous utilisez des couches lavables en faisant des lessives spéciales couches lavables, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt puisque du coup vous multipliez les lessives, donc vous utilisez de l'eau. Donc là, pour la réduction de l'eau, tout ça, c'est pas la peine. Les couches lavables, elles se lavent avec votre autre linge. Alors si vous voulez pas les laver avec vos suites ou quoi, vous pouvez tout à fait les laver avec vos serviettes de bain, grande toilette. De toute façon, il faut savoir aussi que quand vous avez un enfant, un bébé, les lessives, vous allez en faire plus parce que le bébé, on le change tous les jours, il bave, il fait bon, voilà. Donc, pour moi, ça n'amène pas des lessives en plus. Ça amène une organisation en plus, oui, effectivement, parce qu'il faut penser, il faut anticiper à ce que vos couches soient sèches, les plier, puis encore les plier, pas tant que ça. Parce qu'il y a des parents qui, nous, on demande à ce qu'elles trempent. Alors, faut les faire tremper, donc il faut avoir un petit seau avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, les faire tremper et puis après les mettre dans le lave-linge. Mais une fois que vous avez cette organisation-là, une fois que vous êtes bien régulé, ben, il n'y a pas de souci, quoi. Ça se fait tout seul, quoi. Il n'y a pas de problème. Il faut juste un petit peu anticiper, mais comme vous auriez anticipé pour aller acheter vos couches jetables au supermarché du coin, parce que si vous vous retrouvez sans couches jetables, vous êtes dans la panade, pareil. Alors justement, il y a des exemples comme ça sur des crèches qui sont passées aux couches lavables, parce que on imagine quand même le problème d'hygiène, de logistique, ça doit être sacrément compliqué. Oui, c'est une organisation assez, assez pointue. On a des crèches, par exemple, à Besançon, mais dans pas mal d'autres villes, hein, franchement, qui ont fait ce changement-là. Il faut revoir la logistique, il faut s'équiper. Il y a une question de blanchisserie, quelle machine, est-ce qu'il y a une collecte des couches ou est-ce qu'on les lave sur place ? Bon, c'est tout un tas de questions qu'il faut résoudre. Mais à terme, la satisfaction, c'est quand même éviter des tonnes et des tonnes de couches. Donc vous imaginez le nombre de crèches qu'il y a en France. Il y a plusieurs centaines de milliers de naissances par an en France. Donc là, il y a un gros gisement à aller chercher. Oui. Et là aussi de la création d'emplois, certainement, non ? Oui, parce qu'en réalité, les couches, il faut quand même les laver. Il faut surtout les collecter, il faut les relivrer. Et donc, on peut faire tout ça à moindre coût. C'est-à-dire que ça coûte moins cher, tout en fait en recréant une activité qui est assez intensive en emploi. Ça ne se fait pas tout seul, hein, laver des couches lavables. Donc c'est assez vertueux, hein. C'est un bon exemple de choses qui sont tout à fait, qui ont beaucoup de sens économique et écologique. Alors pour finir ce petit tour, voilà, les cosmétiques, pareil, hein, les cosmétiques, on se met énormément de choses sur la peau qui sont extrêmement nocifs parce que toutes les crèmes blanches, c'est à base de pétrole en fait. Et là, vous proposez donc, j'imagine, déodorants, crèmes et certainement avec aussi des ateliers pour les faire soi-même ici à la maison du zéro déchet. Absolument. Donc là, vous avez des cosmétiques consignés, donc ce sont surtout des huiles végétales, si je ne dis pas d'erreur, en tout cas des produits assez, assez naturels, et puis le dentifrice solide également, et le déodorant solide. Donc on peut tout à fait les acheter, on a des marques qui sont très bien référencées, très connues aujourd'hui, il n'y a pas de souci, les retours sont très bons. On peut aussi les fabriquer ensemble, donc il y a des ateliers pour, alors avec des professionnels, parce que les cosmétiques, comme le maniement d'huile essentielle, etc., quelque chose qui ne se fait pas, enfin, faut pas faire trop tout seul. Donc on fait ça avec des professionnels pour les gens qui veulent tout simplement apprendre à fabriquer, à faire leurs recettes. Donc effectivement, on a toujours les deux pans, c'est important de fabriquer, apprendre et le cas échéant, acheter si on ne veut pas apprendre. Voilà, parce que bien sûr, il y a toujours aussi des petites bêtises sur Internet, hein, quand on regarde toutes ces vidéos sur YouTube ou enfin voilà, sur tous ces tutos, il y a aussi des grosses bêtises, donc c'est pas mal de passer par des pros qui vont un peu plus loin dans les explications et évitent des désagréments, quoi. Notamment les huiles essentielles, c'est vrai que c'est quelque chose, ouais, de sérieux. Mais bon, c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des livres qui parlent de cela de façon assez sérieuse et puis des gens qui ont pu tester pas mal de choses pendant plusieurs années. Donc voilà, il faut venir chez nous faire les choses en confiance. Ouais. Alors, beau cadeau de Noël aussi pour finir. Un beau rasoir à l'ancienne avec, comment ça s'appelle, son plumeau là, Ça s'appelle un blaireau. Ah voilà. Et oui, c'était grand-père, voilà, qui utilisait ça. En fait, on pense beaucoup, hein, au zéro déchet appliqué aux femmes, souvent pour les cosmétiques, etc. En réalité, ça concerne bien évidemment aussi les hommes. Le rasage fait partie de ces gestes qu'on peut transformer en éco-gestes. Alors, est-ce que le plus écolo est peut-être de se laisser pousser la barbe pendant très très longtemps et la couper au ciseau ? Je ne sais pas. En tout cas, pour les personnes qui se rasent régulièrement. Aujourd'hui, la production de rasoirs jetables est quelque chose qui est tout à fait dommageable. Hein. C'est vraiment du gâchis. Donc on peut revenir sur des rasoirs où on change les lames, où on les aiguise, en fait, hein, tout simplement comme on a fait pendant très très longtemps, avec un blaireau et un pain de savon spécifique. Que vous vendez ici aussi. D'accord. Pour avoir le programme des ateliers à la maison du zéro déchet, comment on fait ? On peut se connecter sur le site internet lamaisonduzerodéchet.org ou bien sûr suivre la page Facebook du lieu qui s'appelle la maison du zéro déchet tout simplement. À côté de Barbès. À Anvers, exactement, rue Charles Nodier. Et on peut venir en tant que bénévole aussi si on a des choses du temps à donner. On ne manque jamais de bénévoles, évidemment, en journée et aussi le samedi, le lieu est ouvert. Et puis il y a plein de choses à faire, des ateliers, des événements. Donc voilà, vous avez de l'énergie, des idées, on vous attend, il n'y a pas de souci. Mmh. Pour partager, aller plus loin ensemble aussi, parce que voilà, j'imagine que les bénévoles, entre eux, ils apprennent toujours des choses. Il y a une grosse émulation, en réalité. Même avec le grand public qui rentre dans la boutique, il y a beaucoup d'échanges. Les gens, en fait, ici, on a le temps de parler, on n'est pas là pour faire de la vente à tout prix. Donc on a le temps de parler, et ça, c'est très très important, et on le prend ce temps-là. Donc bien sûr, les bénévoles sont bienvenus. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.